Bonjour, j'aimerais parler de quelque chose que je considère comme important par rapport aux gens qui m'écoutent. L'importance de qu'il n'y aura pas d'intégration ou il n'y aura pas des nouvelles compétences qui apparaissent par magie parmi mes 10. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend une individuation forte. Parce que c'est par vous-même toujours, dans le sens que si vous essayez de m'imiter, vous allez être malheureux. C'est-à-dire, vous pouvez faire exactement de la même façon, mais si c'est du mimétisme, il n'y aura pas le résultat. Il n'y aura pas le résultat. Il y a peut-être vers 2014-2015, je regardais une photo dans une pochette de CD, puis je m'étais dit, j'aimerais ça l'avoir en plus grand. Donc, c'est une photo de la belle époque de Fréhel, puis je l'ai refaite. Ça m'a pris quelques semaines, je l'ai refaite. C'est tous des petits points faits à la plume. Ce qui est arrivé, c'est que, comme d'habitude, moi, ma technique, c'est que j'ai mis la photographie près de moi, puis ma feuille ici, puis je pointillais en regardant la photo, tout en pensant à d'autres choses, en écoutant des documentaires, en écoutant les informations. Puis c'est clair que quelqu'un qui voudrait avoir la même technique, faire la même chose, il n'y aura pas nécessairement le même résultat, parce que il reste que il faut tenir compte de vos prédispositions à vous. C'est pareil pour le reste. C'est comme au niveau, par exemple, de l'investissement. J'ai dépassé le 140% de rendement pour l'année. Parce que si je compte depuis le temps, depuis plusieurs années, en fait, je dépasse les 180% de rendement. Puis c'est arrivé qu'on me demande des gens, ils voulaient que je les forme. Mais oui, mais si vous, même si je vous explique mes stratégies, même si je vous explique comment je fais, il y a des bonnes chances que vous ayez des rendements dans le rouge, carrément. Donc, je repensais à ça dernièrement, puis je me disais, faut pas que les gens non plus se bercent d'illusions par rapport à moi. Parce que j'ai tout le temps été en marge jusqu'à un certain point, depuis très longtemps. Je veux dire, je faisais des phrases complètes à 2 ans, je pouvais tenir une conversation. Je dessinais des formes géométriques en 3 dimensions à 3 ans. Donc, l'affaire à comprendre par rapport à tout ça, c'est que je suis en marge de la psychologie ordinaire. On pourrait dire que je suis parapsychologique jusqu'à un certain point, dans le sens que tout au long de ma vie, j'ai tout le temps manifesté des capacités qui étaient anormales. Au niveau de la motricité fine, d'ailleurs, là, tout ce qui est des travaux de précision, ou même j'ai toujours été extrêmement habile de mes mains. Puis d'une façon que c'est parce que au niveau d'une technique, les gens vont savoir le comment. Mais moi, je n'ai pas de comment. Je le fais, c'est tout. Je le fais, c'est tout. Puis je pense que c'est une question de nature. L'affaire, c'est que je comprends pas non plus que des gens voudraient avoir les mêmes capacités. Puis non, vous êtes avantagé par rapport à moi jusqu'à un certain point. Parce que j'ai une perception tellement complexe, j'y reçois tellement d'informations en même temps, que j'ai pas eu le choix jusqu'à un certain point, à certains moments dans ma vie, d'avoir des changements psychiques. D'avoir des changements psychiques pour que ce soit, comment je pourrais dire ça? Que ce soit pratique, que je puisse au moins me servir de ces capacités-là. Ça ne veut pas dire que c'est des techniques que j'ai apprises. Si je suis autodidacte en tout, c'est pas parce que c'est justement parce que ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. Ça n'a absolument rien à voir avec l'apprentissage. Dès que j'ai touché à un clavier, je me suis mis à composer de la musique étant petit. C'est pareil pour dès que j'ai touché un crayon, dès que c'est des choses qui se manifestent spontanément chez moi. Puis je comprends pas non plus que les gens recherchent ça. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que si des gens pouvaient être dans ma tête, ils demandent l'aide à mourir dans 2 semaines. Parce que ça m'a pris tellement d'années à venir à bout d'être capable de supporter mon propre mental que j'arrive pas à comprendre comment des gens, ils voient juste les avantages. Ils voient juste mais il n'y en a pas vraiment tant que ça. Au sens oui, parce que j'ai fini par les rentabiliser. Par pragmatisme, il fallait que je fasse quelque chose. Mais le fait est que si votre but dans la vie, c'est de penser que vous allez atteindre le bonheur, entre autres par des choses comme des réalisations, des choses comme ça, sachez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous cherchez le bonheur, ça veut dire que vous êtes jusqu'à un certain point. Il y a une mécanique un peu animale par rapport à des mécanismes de la nature. C'est-à-dire, la nature, il y a des choses liées à ce qu'on pourrait dire des mécanismes sympathiques dans l'individu pour qu'il survive, puis qu'il s'adapte à la vie. C'est pour ça qu'il y a une polarité douleur-plaisir. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on peut pas rester enfermé là-dedans. On peut pas rester enfermé là-dedans. C'est pour ça que ça fait des années que j'ai absolument aucun intérêt. J'ai jamais recherché le bonheur. J'en ai pas besoin. J'en ai absolument pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'ai pas couru non plus après des souffrances puis des épreuves, mais il reste que c'est ça qui était formateur pareil. C'est ça qui est réellement formateur. Parce qu'il y a des mécanismes au niveau du psychisme, c'est pas lié à la conscience de l'ego comme nous on l'entend. C'est pour ça que toutes les affaires de comme la sophrologie, la PNL, moi je trouve ça d'une naïveté. Je trouve ça d'une naïveté extraordinaire. Il va falloir que les individus prennent conscience de la nature. Des influences biologiques. C'est-à-dire que une conscience réelle, il faut qu'elle domine la machine, il faut qu'elle domine l'animal. C'est pas par hein? On se crée des besoins au fond, puis c'est pour ça que ça engendre des frustrations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vue d'ensemble. C'est ça qui amène, par exemple, des peurs qui sont contre-productives, puis qui drainent de la force vitale. Les gens qui ont le plus peur de la mort, ils dans le fond, ils perdent de l'énergie vitale par leur peur. Comme son frère, M. Cossette-Trudel, j'avais vu dans une vidéo, ça faisait longtemps, je l'avais pas écouté, mais là, il parlait ces petites crèmes-là pour empêcher le vieillissement, puis il parlait les cheveux qui blancs. Là, il essayait d'expliquer scientifiquement comme les cheveux blancs, que c'est lié au vieillissement, puis blablabla. Moi, à mes yeux, je te considère par ma propre observation. Je le sais que c'est pas réel. Prenez l'acteur Steve Martin. À la fin de la vingtaine, il avait déjà les cheveux tout blancs. Or, cet homme-là, aujourd'hui, plus de 90 ans, puis il court des marathons, puis il est en pleine forme. Donc, cela n'a rien à voir. Si on regarde dans certaines cultures, comme chez les taoïstes, les gens qui ont atteint une force vitale au sens où, comme s'ils avaient réussi à préserver leur chair, ils deviennent les cheveux tout blancs. Ils deviennent les cheveux tout blancs, même leur peau, dans certaines choses qui sont décrites au niveau. Bon, c'est sûr qu'on peut considérer qu'il y a en partie du folklore là-dedans, mais il reste que, moi, c'est le contraire. C'est le contraire. Je souhaite devenir le plus rapidement possible les cheveux complètement blancs, tout en préservant, puis sans des petites crèmes ni rien, là, tout en préservant un visage jeune. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on reconnaît certaines choses. C'est sûr, moi aussi j'ai des petits pots, mais si Alexis il se met ça d'en face, il va se mettre à crier comme le jeune dans Maman, j'ai raté l'avion, là, quand il se met de la toucher d'en face, même ça va être bien pire, pas mal. Ce que j'ai, c'est toutes des toxiques. C'est une vision complètement autre. Complètement autre, mais elle est basée quand même sur l'expérience puis l'observation. Il reste que c'est ça pareil. Donc l'important, c'est pas, vous devez pas observer pour intégrer par mimétisme. Il y a un piège là. Il y a un piège. Vous êtes déjà plus dans le centre d'observation d'un centre de gravité au niveau de votre conscience si vous êtes dans le mimétisme. Il faut que ce soit votre affaire, vos affaires. Il faut que ce soit vos techniques. Il faut que ce soit vos façons de voir. Dans le fond, moi, ce que je fais, je montre de la côté pour montrer, vous voyez, il y a d'autres affaires qui existent. C'est très vaste. C'est très, très vaste. Nous vivons dans un monde très étrange. Puis il y a toutes sortes de choses. C'est un peu ça que je dis. Je suis pas en train de dire, faites comme moi. Parce que si vous faites comme moi, ben, vous risquez je veux dire, je fais comme moi parce que c'est moi. Je fais pas comme un autre. Parce que ça ne serait pas adapté. Parce que je ne suis pas l'autre, je suis moi. C'est pas compliqué au fond. C'est là aussi des fois que je remarque est-ce que la personne a là. Est-ce que où est le niveau d'individuation? Oui, il faut avoir traversé beaucoup de choses, il faut avoir frappé beaucoup de murs. Faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert expérimentalement. Mais tout ça, c'est normal. Prenez M. Sivigny, me souhaitez une semaine douce. C'est pas par la douceur qu'on intègre, c'est pas par la douceur qu'on apprend, c'est ça peut se passer dans la douceur, oui, au niveau de l'idéal, puis si on a un idéal, puis tout, mais moi, je me souhaite pas de douceur. Je me souhaite aucune douceur. Je suis contre la douceur. En tout cas, envers moi-même. Hein? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.